Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bienvenue à Méditons ensemble, chers amis et auditeurs. Nous sommes très heureux de vous proposer la lecture de Jean chapitre 12, les versets 37 à 50. L'incrédulité des Juifs est irrationnelle, mais avait été prophétisée dans l'Ancien Testament, parce que la nation avait systématiquement refusé la révélation que Dieu leur donnait en son Fils Jésus-Christ. Ils étaient punis par l'endurcissement de leur cœur, c'est-à-dire l'impossibilité furtive de croire. De tels jugements de Dieu envers ceux qui persistent dans leur incrédulité sont fréquents tout au long des textes sacrés. Ce qui arrive à Jésus est l'accomplissement des prophéties, aussi bien sa mort que le refus de croire de beaucoup de ses contemporains et en particulier des autorités religieuses juives. La citation d'Ésaïe que nous donne Jean a pour but de montrer que l'attitude de la nation d'Israël ne prend pas Dieu par surprise, mais que, comme tous les événements qui entourent la venue, le ministère, la mort et la vie de Jésus-Christ, elle était prévue de longue date et fait partie de son plan immuable. Beaucoup de leçons à tirer avec ce texte. Nous sommes avec le surintendant Conan Florent. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Alex. Le pasteur Conan Florent, le surintendant de l'église SEMA en ce qui concerne le district de Yamsoukro, district de Sopim. La mise en œuvre de cette émission est l'affaire de Emmanuel Yao, son assistant se nomme Edouard Yao. Je suis à Dombi, à l'Expacom, pour vous conduire. Nous allons prier avec le pasteur Conan Florent et ensuite nous ferons la lecture intégrale du texte que nous rappelons, Jean 12, les versets 37 à 50. Nous prions. Seigneur, les jours passent et se ressemblent, mais Seigneur, leur contenu nous reste inconnu. Tout dépend de toi. Alors nous voulons faire dépendre de toi cette journée encore. Et c'est pour ça que nous nous sommes réveillés, les regards plongés dans ta parole. Nous voulons penser à ta parole. Aide-nous, édifie nos âmes en ce moment de méditation. Conduis ce moment pour tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 12, les versets 37 à 50, c'est le texte que nous lisons en compagnie du surintendant Conan Florent. Nous lisons cette portion des Écritures dans la Bible version français courant, verset 17, verset 37. Bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre message? À qui le Seigneur a-t-il révélé son intervention? Il ne pouvait pas croire parce que Ésaïe a dit encore, Dieu a rendu leurs yeux aveugles et a fermé leur intelligence afin que leurs yeux ne voient pas et que leur intelligence ne comprenne pas et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse. Verset 41. Ésaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Cependant, parmi les chefs juifs eux-mêmes, beaucoup crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas pour ne pas être chassés de la synagogue. Ils préféraient l'approbation qui vient des hommes à celle qui vient de Dieu. Verset 44. Jésus s'écria. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que tout homme qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne, car je suis venu pour sauver le monde et non pas pour le condamner. Verset 48. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamnera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé avec ma seule autorité, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Verset 50 pour mettre fin à notre lecture. Et je sais que ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. Ainsi, ce que je le dis comme mon Père me l'a ordonné. Amen. Amen. Merci de nous rejoindre chaque matin pour Méditons ensemble. Jean 12, les versets 37 à 50. C'est le texte que nous avions au menu de Méditons ensemble. Nous sommes très heureux que vous soyez à nos côtés pour cette émission. Nous sommes avec le pasteur Conan Florent. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Alex. Le pasteur Conan Florent est surintendant de Yam Sokro en ce qui concerne l'église Sema et le district, c'est le district de Sopim du côté de Yam Sokro. Nous saluons en tout cas tous les chrétiens Sema de ce district. Alors hier, pasteur, nous avions avec vous, nous avons lu le Jean chapitre 12, les versets 20 à 36. Nous allons revenir sur ce texte. Oui, hier, il était question de Jean chapitre 12, versets 20 à 36, qui parlait des derniers instants de l'existence terrestre de Jésus. Ces instants qui étaient très, très douloureux. De sorte qu'il en a souffert dans son âme, au point où il s'est confié au Seigneur pour avoir la force de pouvoir les supporter. Et il les a vécus pour nous. Donc nous devons être prêts à perdre notre vie aussi pour lui. Et quand nous trouvons que c'est difficile de vouer allégeance au Seigneur, nous devons nous confier à Dieu par la prière comme le Seigneur lui-même l'a fait. D'accord. Voilà. Le passage aussi nous a montré que déjà Jésus avait vu les prémices de sa mort, de sa résurrection avec ses Grecs qui sont venus le chercher. Oui, parce que là, on voyait même les Grecs qui couraient et qui cherchaient. Vaille que vaille avoir Jésus. Mm-hmm. Et donc là, Jésus, on pourrait dire ce qu'il a dit, c'est une sorte de réconfort moral. Il a dit, ben tiens, mon heure est arrivée, oui. Ça a commencé et les fruits commencent à venir déjà. Donc il y a lieu d'aller jusqu'au bout. Et il a donné cette image de l'agriculteur qui laisse tomber la graine, le grain de blé qui pousse et qui donne beaucoup de fruits. D'accord. Voilà. Alors, c'est la suite du texte lui hier que nous lisons. Nous lisons Jean 12, les versets 37 à 50. Nous sommes dans l'observation de quoi nous parlent ces versets. Oui, ces versets nous parlent de l'incrédulité persistante des Juifs. Jusque-là, ils ont montré l'incrédulité, mais ils persistent dans leur incrédulité. On a vu dès les premiers jours à Béthanie, dans la maison de Matthieu, avec la résurrection de Jésus, ça les irritait. Ils cherchaient les moyens pour éliminer et Lazare et Jésus. Et ensuite, on a vu, ils demeuraient toujours dans leur incrédulité. Là encore, le verset 37 dit explicitement que malgré les nombreux miracles, il y a eu tellement de signes étonnants qui devaient les amener à croire que Jésus est authentiquement de Dieu. Mais malheureusement, il demeure incrédule. C'est pourquoi nous disons que ça parle de l'incrédulité persistante, irrationnelle même, des Juifs. Mmh. Voilà. D'accord, merci pour l'idée générale de ce texte. L'observation va nous conduire à l'interprétation et à l'application vers la fin de l'émission. Deux mouvements sont proposés pour l'exploration de l'observation, les versets 37 à 43, premier mouvement, et deuxième mouvement, les versets 44 à 50. Le découpage est fait par le pasteur Conan Florent, bien sûr. Alors, premier mouvement, donc, les versets 37 à 43, l'incrédulité irrationnelle du peuple juif. Oui, une incrédulité sans raison. Généralement, vous savez, on pense que les miracles peuvent convaincre les gens. Et donc, on a tendance à être attiré par les miracles. Mais ici, malgré les nombreux miracles, les nombreux signes, comme le verset 37 dit, Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens. Pourtant, ils ne croient pas en lui. Mmh. Alors là, c'est vraiment sans raison. Donc, on voit cette incrédulité irrationnelle du peuple juif. Mais cela a été prédit bien longtemps, bien avant ce jour-là. Ésaïe 53, versets 1 à 12, vous allez lire là-bas que c'est mentionné que ces gens-là, malgré ces nombreux miracles, ne croiront pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jean va citer le passage d'Ésaïe pour dire que ça, c'est même pas de leur temps. Depuis leurs aïeux, leurs ancêtres, ils ont toujours été incrédules. Donc, il cite ce passage d'Ésaïe pour expliquer que la nation était incapable de croire. Oui. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous devons tout à Dieu. Même quand nous croyons, nous devons tout à Dieu. Alors, il y a plusieurs individus qui sont haut placés dans la société, qui couvaient Jésus. Mais il est mentionné que parce qu'ils ont peur d'être exclus de la synagogue, ils n'en faisaient pas l'aveu public. Ils croyaient dans leur cœur. Ils étaient curieux, ils étaient là. Quand Jésus était là, il y avait la troupe, mais ils ne pouvaient pas se montrer publiquement. Simplement parce qu'ils craignaient l'opinion des hommes. Ils aimaient plutôt la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà, les versets 37 à 43, ce dont il est question. Et les versets 44 à 50. Oui, c'est le deuxième mouvement. Voilà. Dernier donc, appel de Jésus aux Juifs. Voilà. La mission de Jésus était de fournir à chacun un moyen de sortir de l'obscurité et d'entrer dans la lumière. Donc, le but de son ministère terrestre reste d'apporter le salut et non le jugement. Rejeter sa parole, c'est rejeter la vie éternelle. C'est la parole qui nous jugera, non pas Jésus, quoi qu'il soit notre juge. Alors, cette dernière partie cite les bénéfices de la foi en Christ. Quand vous avez la foi en Christ, vous avez une grande connaissance de Dieu, vous avez une vie de lumière et non de ténèbres, vous avez le salut, vous avez le salut et non pas le jugement, vous avez la vie éternelle. Donc, voilà un peu ce passage qui parle, c'est Jésus qui lance cet appel-là. Comme pour dire, voilà ce que vous allez recevoir comme récompense à votre foi. Oui. Donc, venez à moi. Donc, c'est le dernier appel. Tout naturellement, il n'y aura plus d'autres occasions pour eux. En tout cas, de la part de Jésus, de son vivant. Donc, c'est pourquoi on a titré là, le dernier appel de Jésus aux Juifs. D'accord. Voilà. Jean chapitre 12, les versets 37 à 50. C'est le texte que nous abordons pour ce mardi 10 mars 2020. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, notre interlocuteur, le pasteur Conan Florent, surintendant de l'église Sema en ce qui concerne le district de Sopim au niveau de Yamsokro. Pasteur, on va passer immédiatement à l'étape 2 que nous appelons l'interprétation. Alors, quels sont les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre? Alors, nous avons dit dans le premier découpage, les versets 37 à 43, qu'il y avait des personnes de rang social important, social et religieux, qui venaient à Jésus, qui croyaient à Jésus. Oui. Ça, c'est un très bon exemple. Malgré votre position sociale, votre position religieuse, il faut être comme un enfant, il faut croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On doit descendre de notre piédestal, on doit descendre un peu de notre orgueil et notre égoïsme pour croire en Jésus, que Jésus est la vérité. Ça, c'est un exemple à suivre. C'est vrai, la suite n'est pas à suivre, c'est-à-dire rester caché et tout ça, mais au moins, ils ont cru dans leur cœur que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Oui. Alors, tout naturellement, ce qu'on pourrait condamner ou bien présenter comme... Disons ne pas suivre, oui. C'est ne pas cacher sa foi à cause des petites gloires éphémères des hommes. Il faut la témoigner, cette foi-là. Et j'ai rencontré un responsable, un universitaire, enseignant à l'université, qui a dit qu'il avait un de ses amis qui ont commencé à le railler quand ils l'ont vu. Attends, on est tous intellectuels, tu sais comment on s'est donné dû aux études, et puis tu vas jusqu'à croire en ces enfantillages-là, tu es chrétien, non mais attends, je n'arrive pas à te comprendre. Donc vous voyez, les gens ne peuvent pas comprendre qu'un intellectuel, un haut placé, puisse croire en Jésus. Ça, nous ne devons pas cacher notre foi. Si vous croyez et vous avez honte d'être traité comme ça, d'être raillé. Et oui. Pour cela, vous restez à la maison devant les petits écrans les dimanches pour regarder la télévision, suivre les cultes à la télévision, ce n'est pas juste. Allez, rejoignez une communauté religieuse. C'est aussi exprimer sa voix publiquement. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du cas Naaman? On a vu quand Naaman a été guéri. Oui. Il a demandé exceptionnellement une terre pour sacrifier aux dieux d'Israël. Oui. Mais il a dit au prophète qu'il était obligé d'accompagner le roi dans la salle d'idolâtrie pour faire le culte. Non, on n'est pas obligé de faire l'idolâtrie. Mm-hmm. On n'est pas obligé, même si on doit perdre son statut ou bien son rang social, voilà, il vaut mieux le perdre. C'est pourquoi on parle de gloire éphémère. Mm-hmm. C'est des choses éphémères. Vous en avez pour combien de temps? 80 ans quand vous êtes au robuste, sinon c'est 70 ans, c'est ce que la Bible dit. Hein, quand vous êtes au robuste, c'est 80 ans. À partir de 80 ans, la vie ne vaut plus la peine. On tend vers la mort. Or, il est question d'éternité. Donc cette gloire est juste pour 30, 40, 50 ans, alors que l'éternité vous attend. Donc, que cela vous coûte votre poste ou vos honneurs terrestres, ça vaut le coup si c'est pour le Seigneur. D'accord. Alors, quelles sont les vérités qu'on découvre dans ce passage? Alors ici, celui qui croit en la parole de Jésus aura une bonne connaissance de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même a dit au verset 45. Il sera dans la lumière, le verset 46. Et puis, il aura la vie éternelle, le verset 50. Ça, c'est une vérité. La peur de perdre notre gagne-pain ou notre réputation fait qu'on ne peut pas s'investir dans l'œuvre de Dieu. Et cela étouffe notre foi. Ça, c'est une vérité. Les miracles ne garantissent pas forcément la foi en Christ. Alors, je m'en vais vous inviter à quitter l'atmosphère actuelle de miracles. Les gens pensent que les miracles, c'est pour convertir le maximum. Non! Vous rendez le maximum incrédule. Les miracles rendent incrédule. Il n'y a pas que Dieu qui fait les miracles. Oui. Rappelez-vous l'histoire de Moïse devant Pharaon. Il croyait détenir tout ce qu'il faut pour convaincre Pharaon en transformant son bâton en un serpent. Mais ça n'a pas suffi. Donc, ne courons pas après l'atmosphère des miracles. C'est la parole qui transforme, qui change les cœurs. Voilà une autre vérité qu'on découvre ici. Parce que malgré le nombre de miracles, étonnants même, des signes étonnants, les gens sont demeurés incrédules. C'est d'accord. Ce que je voudrais retenir. Voilà. Merci de ce méditant ensemble, chers amis auditeurs. Nous lisons Jean 12, la verset 37 à 50. Nous sommes avec le pasteur Conan Florent, avec qui nous allons conclure, faire l'application. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce texte? Alors, ce que nous devons retenir, c'est qu'au dernier jour, c'est-à-dire à la fin du monde, Jésus n'aura pas à juger celui qui aura rejeté sa parole. Mais c'est la parole elle-même qui le jugera. Si vous estimez que Jésus est trop bon, trop clément pour vous condamner, et c'est pour ça que vous vivez dans le désordre, mais la parole, c'est elle qui vous condamnera. C'est la parole qui nous condamnera. Ça, retenons ça toute cette journée-là. C'est ce que Jésus lui-même a dit à ces juifs-là, à ces pharisiens incrédules. Moi, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais c'est ma parole qui va vous condamner. Faites ceci, vous n'arrivez pas à faire. Ne faites pas ceci, c'est ce que vous faites. C'est sur la parole-là qu'on va s'asseoir pour vous condamner. Cela répond tout de suite à la préoccupation de certains qui pensent que, bon, Jésus est venu il y a 2000 ans, mais ceux qui existaient avant 2000 ans, qui n'ont pas reçu l'évangile, comment seront-ils jugés? Bon, voilà, vous avez vécu au temps de Jésus, sa parole va vous condamner si vous n'avez pas cru en sa parole. Au temps de la loi, c'est la loi qui va vous condamner. Voilà, donc c'est cela la vérité que nous devons retenir toute cette journée. Et donc, nous devons faire l'effort de quitter, d'abandonner l'incrédulité. Voilà, d'accord. L'incrédulité. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites à ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des chrétiens et qui courent toujours après les miracles? Non. Non, ne courez pas après les miracles. La Bible a été claire, je ne fais que répéter cela. C'est les miracles qui devraient courir après nous. Plus nous vivons la sanctification, nous nous rapprochons du Seigneur, plus les miracles se produisent entre nous. Vous voyez, c'est comme deux puissances. Quand ils se mettent ensemble, il y a une étincelle. Supposons que l'étincelle, c'est le miracle. On ne le voit pas avant qu'ils ne se rapprochent. Dès qu'ils se touchent, les deux corps-là se touchent, ça fait piac. L'étincelle qui sort, c'est le miracle. Donc, quand plus vous vous approchez du Seigneur, plus le miracle se produit. Donc, c'est le miracle qui vient quand vous êtes proche du Seigneur. Ce n'est pas vous qui devez courir après les miracles. Les miracles ont plusieurs sources. Il n'y a pas que Dieu qui est la source des miracles. Donc, méfiez-vous de ceux qui font les miracles spectaculaires, juste pour vous avoir. Mmh. Aujourd'hui, on n'a plus de culte là où on parle de miracles. Le gourou, le patron, il arrive après avoir chauffé la salle, fait les ambiances, le bruit, et puis on annonce le gourou qui arrive, mmh. et puis à peine il a une Bible, ou alors s'il en a, il lit un passage, il dépose, et oui. puis il dit, bon voilà, je rentre dans ton esprit, je fais ceci, je m'en vais dans ton village, tu t'appelles tant, tu es né tant, et puis on acclame. Il vous hypnotise, mmh. et puis allez, vous devenez ses esclaves. Non, ne courez pas après les miracles. Le texte est clair ici. Malgré les miracles, les gens sont demeurés incrédules. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous courez après les miracles? Qu'est-ce qui a changé? Alors, essayez autre chose. Essayez de pratiquer la parole de Jésus. Venez à Jésus, prenez sa parole, lisez-la, priez. Et vous verrez comment va se transformer votre vie. D'accord. On va terminer par la prière, pasteur. Quel sujet de prière on va formuler? Que le Seigneur nous garde de ce nouveau vent de miracles qui souffle sur nos églises et de la peur de témoigner de notre foi. Ça devient de plus en plus récurrent. Hein. Mmh. Le fait qu'on aime les miracles et le fait qu'on a peur d'afficher notre foi. Oui, oui. Apparemment, on pense qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais les gens ont peur d'afficher leur foi. Oui, oui. Dans le service, oui, mmh. c'est vrai que ce n'est plus l'épée, on ne nous égorge plus, on ne nous met plus en prison pour ça. Mais les moqueries, les petits intérêts qu'on va perdre dans les cercles d'amis et tout ça, ça fait qu'on a peur d'afficher notre oui, foi. Oui. oui. D'accord, on va vous laisser le soin de prier pour tous ces chrétiens à l'écoute. Notre Dieu, au secours, nous pourrions dire ce matin, au secours à notre foi, parce qu'elle défaille. De plus en plus, le monde est en train d'hypothéquer notre foi, de rendre difficile la situation, l'environnement, de sorte à ne pas pouvoir exprimer cette foi-là. Cela nous tourne au point, Seigneur. C'est à nos risques et périls. Et nous avons besoin de toi. Viens nous fortifier. Aide-nous, Seigneur, à sortir de ces atmosphères de miracles qui paralysent ta parole en nous et qui fait que nous sommes de plus en plus superficiels. Aide-nous à être des témoins efficaces, comme en son temps, ces disciples qui s'affichaient de jour comme de nuit dans tous les lieux publics et qui annonçaient la parole de Christ. Donne-nous cette capacité, cette force de pouvoir le faire parce que nous sommes tes disciples. Tu es tout pour nous. Sois béni pour cette journée encore. Aide-nous, Seigneur, à marcher à la gloire de ton nom. Seigneur, protège-nous, garde nos vies. Bénis la journée pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croire en Jésus et en sa parole. C'est le titre de la note explicative du texte de Jean chapitre 12, versets 37 à 50, à lire à la page 35 et 36 dans le lecteur de la Bible. Un grand merci au pasteur Conan Florent, il est de l'église Sema, il est surintendant de Yamsoukro, district de Sopim. Merci pasteur, nous espérons vous retrouver très très prochainement pour d'autres émissions. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao, je suis à Dombi à l'Espacom. Demain, il sera question de la lecture de Jean 13, verset 1 à 20 avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. Excellente et bonne journée en compagnie des programmes de la radio. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.